On a volé, par Maurice Level. Monsieur le commissaire de police, je viens moins déposer une plainte que vous demander conseil. Un vol a été commis chez moi, dans des circonstances si troublantes que j'en demeure bouleversé. Voici, je me nomme Cresto et suis propriétaire de l'hôtel d'Anjou, 17 rue de Marignan. Bien que situé dans un quartier élégant, mon hôtel n'a rien à palace. C'est une maison tranquille, fréquentée par des voyageurs, dont la plupart sont des habitués qui savent y trouver un confort amusant et une bonne table. En un mot, pas de luxe, pas de promiscuité douteuse. Je tiens la maison de mon père qui la tenait du sien et lui ai laissé le caractère qu'il lui avait donné eux-mêmes. Ces détails ont leur importance, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Mon personnel administratif se réduit en effet à 3 employés. Un comptable, M. Herbelier, qui est à mon service depuis 9 ans, sa femme, qui s'occupe de la lingerie et de la caisse, et moi-même. Quant au personnel domestique, très restreint. Il est composé de braves gens, desquels je crois pouvoir dès à présent écarter toute suspicion. Ce matin, en entrant dans mon bureau, je constatais que des papiers, lettres, factures, prospectus que j'ai l'habitude de classer d'une certaine façon sur ma table avaient été déplacés. J'en fis la remarque à Madame Herbelier, elle en reconnut l'exactitude et me dit qu'il était possible qu'elle ou son mari les eussent dérangés. La réponse me surprit un peu, car dans mon entourage, nul n'ignore à quel point je tiens mon ordre, mais comme après tout le mal n'était pas grand, je n'insistai pas et me mis au travail. Vers 10 heures, un encaisseur se présenta. Mon caissier venait de sortir. N'ayant pas sur moi les clés du coffre, j'allais prier l'homme de repasser quand je me souvins que 2 jours plus tôt, j'avais placé sous l'enveloppe, dans un tiroir de mon classeur, 4 billets de 1 000 francs. J'ouvre, plus d'enveloppe, plus de billets. J'appelle mon comptable, je lui demande s'il n'a touché à rien. Il me répond que non. Je pose la même question à sa femme, qui rentrait à ce moment, elle aussi me répond de façon négative. Ne voulant pas discuter devant un étranger, je signe un chèque et le donne à l'encaisseur, mais dès qu'il est sorti, je fais part à mes employés de la disparition. Le comptable proteste que c'est impossible. Quant à sa femme, sans manifester d'ailleurs une surprise extrême, elle me dit « Êtes-vous certain que cet argent était là ?» Je n'ai pas la prétention d'être infaillible, mais dans le cas particulier, la question avait de quoi me déconcerter, car c'était en sa présence et sur son conseil que l'avant-veille, au moment de partir pour Château ou pendant la morte saison, je vais parfois passer 24 heures, du samedi au lundi, j'avais mis cet argent à cette place. Je tente de préciser ses souvenirs, elle affirme que je suis dans l'erreur. Son mari se joint à elle, le ton de la discussion s'élève. Alors, autant pour éviter le scandale que pour endormir leurs craintes, car mes soupçons commençaient de s'éveiller, je feins de réfléchir, puis je me frappe le front et m'écris. Que je suis bête, je me souviens maintenant, j'ai eu en effet l'intention de les mettre là, puis je me suis ravisé, et les ai replacés dans la caisse. Aussitôt la femme retrouve son sourire, le mari se replonge dans ses comptes. Vous étiez fixé, je l'étais sans l'être. Outre que la pensée d'un vol commis par des employés en qui j'avais toute confiance me révoltait, celle qu'ils l'eussent accompli eux-mêmes, alors qu'ils étaient les premiers, les seuls, sur qui les soupçons puissent se poser, m'apparaissait inadmissible. Il y avait un complice, mais qui ? Le hasard n'allait pas tarder à me le désigner. Presque au même moment, en effet, passe devant le bureau, se dirigeant vers la sortie, un monsieur que je ne connaissais pas. J'étais à milieu d'établir le moindre rapprochement entre la présence de cet inconnu et la soustraction de mon argent, mais par habitude professionnelle, je demandais à mon comptable « Qui est ce monsieur ?»« Le voyageur du 24 », me répondit-il. Du coup, je sursaute. C'est moi qui l'avant-veille, précisément à l'instant où je venais de placer les billets sous enveloppe, avait donné ce numéro à un voyageur blond, petit et gros, et celui-ci était grand, maigre et basané. Cette fois, tout s'éclairait. C'était là le complice. Mais voulant voir jusqu'où mon employé pousserait l'impudence, je feignis de nouveau la distraction et dis d'un ton enjoué « Décidément, ma mémoire me joue des tours ce matin. » Monsieur le commissaire, ma mémoire était à ce point fidèle que non seulement je me souvenais des traits de mon client, mais des indications qu'il avait inscrites sur sa feuille de police, Jeanne Ropierre, 27 ans, sans profession, venant de Nantes. Le contrôle était donc facile. Je ne manquais pas de l'exercer. Or, à la place de la feuille qu'on avait remplie en ma présence, s'en trouvait une autre, que voici, et qui porte, avec le numéro 24, Dargan Félix, 48 ans, bijoutier, venant de Dunkerque. Je me lève, je cours après mon homme, je le vois ailer un taxi, j'en ai elle un autre. Se sentant suivi, il fait accélérer l'allure, prend des voies détournées, bref, après 10 minutes de poursuite, il me sème, je le perds, et me voilà. Votre départ a-t-il été assez brusque pour que vos employés l'aient remarqué? Non. J'ai eu soin, au contraire, de traverser le hall sans hâte. Bon, nous allons voir ça tout de suite, dit le commissaire de police en se levant. Comme il ouvre la porte, un gardien de la paix lui tendit une carte, il s'arrêta. C'est bien Herbelier, le nom de votre comptable? Eh bien, sa femme est là qui désire me parler. Passez dans la pièce à côté, je vais la recevoir. Madame Herbelier entra. Vous tombez à point, dit le commissaire, je m'apprêtais justement à vous convoquer. Il n'est rien arrivé à M. Cresto, au moins. Le commissaire se mit à rire. Vous le savez mieux que personne. Elle hocha la tête. Oh, ne riez pas, monsieur. C'est une chose si affreuse. Nous sommes au sans-cours, l'hôtel. M. Cresto s'est sauvé il y a une demi-heure. Le commissaire hocha la tête. Non, M. Cresto ne s'est pas sauvé. Il est parti un peu vite, ce qui n'est pas la même chose. Pour déposer une plainte en vol contre vous. Un vol, monsieur, mais on n'a rien volé, et quant à moi, vraiment. Et les 4 000 francs? La substitution des voyageurs du 24? Vous voyez que je suis renseigné. Vous êtes renseigné, mais mal. Cette fois, le magistrat cessa de plaisanter et asséna un coup de poing sur sa table. Oui ou non, monsieur Cresto avait-il placé cet argent dans son classeur? Oui, monsieur. Oui ou non, y était-il ce matin? Non, monsieur. Oui ou non, monsieur Cresto a-t-il établi la fiche de monsieur Jeanneret pour l'appartement 24? Oui, monsieur. Oui ou non, cette fiche était-elle remplacée ce matin par une nouvelle fiche au nom d'un monsieur Dargan? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous me chantez? Monsieur, c'était il y a un an, exactement le samedi 11 août 1921, que monsieur Cresto a mis cet argent dans le classeur et établi la feuille du voyageur dont vous m'avez dit le nom. Presque aussitôt après, il a été pris d'un dérangement cérébral qui a nécessité son internement dans une maison de santé. Il en est sorti ce matin, guéri, mais ayant complètement perdu la mémoire de ce qui s'est passé pendant ces 12 mois. Il se figurait qu'il avait quitté son bureau la veille et nous ne l'avons pas détrompé. Tenez, monsieur, pour vous en donner une idée, il a tellement bien repris la vie au point où il l'avait laissée qu'en lisant le menu du jour, il a dit au chef « Est-ce que vous fichez de moi ?» Du turbo, ce soir, il y en avait déjà hier. Et c'était vrai. Enfin, pour lui, c'était vrai. Puisque, en cherchant dans les livres, nous avons trouvé le turbo sauce mousseline au menu du 11 août 1921. C'était « On a volé » par Maurice Level.